début mai, la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé qu'elle supprimait la subvention de 149 000 euros accordée depuis des lustres au théâtre Nouvelle Génération de Lyon. Des baisses de subventions dans le champ culturel sont plutôt monnaie courante depuis une dizaine d'années et les politiques de désengagement de l'État dans le financement des collectivités locales. Le dernier exemple est la suppression de la taxe d'habitation qui a, après l'élection de Jupiter, qui a largement grévé les finances locales. Mais dans ce cas d'espèce, à Lyon, il s'agirait plutôt d'une réponse de l'institution régionale présidée par Laurent Wauquiez à une tribune de Joris Mathieu, le directeur du théâtre Nouvelle Génération de Lyon, sur le site du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, une feuille d'information confidentielle à l'usage des professionnels de la culture. C'est pas non plus la scène de remise de la Palme d'Or à Cannes, qui le voyait dénoncer une gouvernance de la culture en Auvergne-Rhône-Alpes par la peur et d'expliquer dans cette tribune comment Laurent Wauquiez et son administration régionale pouvaient sciemment chercher à déstabiliser le fonctionnement d'institutions publiques culturelles depuis sa réélection en 2021 par, je cite, des coupes massives de subventions, donnant en exemple la baisse parfois drastique d'environ 140 subventions en 2022 accordées à des associations, organisations, organisateurs de festivals et autres institutions culturelles. Action délibérée parce que désaccord avec les lignes éditoriales de ces structures, comme le suggère Joris Mathieu dans sa tribune, volonté d'assujettir ces structures aux désiderata de la présidence de région ou simple conséquence du moindre financement des régions par l'État. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que dans la foulée de la publication de cette tribune, le théâtre Nouvelle Génération de Lyon se voyait supprimer sa subvention régionale, soit 6% de son budget annuel. En réponse, 15 syndicats et organisations professionnelles ont apporté leur soutien à Joris Mathieu et dénoncent, je cite, des méthodes qui opposent les professionnels entre eux, accordent des bons et des mauvais points de comportement. Qui a dit que la gauche et la droite c'était kiff-kiff? Laurent Wauquiez, les Républicains, il paraît qu'il viserait même le poste de Jupiter en 2027, ça promet. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, 34e et dernière saison, réalisé par Valentin Jiquel. Ce soir, on parle du prochain Rio Loco avec Fabien Lérisson, son nouveau directeur artistique. On parle également de la scène bluegrass toulousaine, parce que oui, il existe une scène bluegrass toulousaine. Ils sont et elles sont 8 dans ce studio et ils et elles ont amené leurs instruments. Et avec eux, nous évoquerons ce style né dans les années 40 et ils le joueront en direct de notre petit studio Kitchenette campusien. Et puis, en fin d'émission, notre bon professeur Thibault sera au téléphone pour une nouvelle chronique de cinéphilie décalée, foutraque, érudite et pour tout dire essentielle. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Et cette nouveauté, c'est un concert, c'est le concert du soir. Ça se passera à 21h au Taquin, sur scène, un nouveau duo. Congé spatial, Étienne Manchon au piano et Pierre Laprand au saxophone, un duo qui vient de sortir un premier album éponyme qui donnera sans doute la matière du concert de ce soir. Un répertoire qui fait alterner compositions rêveuses, oniriques, contemplatives à la façon de ce jazz nordique qui fit les belles heures des labels ECM ou Jazzland, mais aussi à des compositions plus pêchues, plus solaires, s'appuyant sur des réminiscences de musique populaire. Vent sur la colline, morceau extrait du premier album du duo Congé Spatial, duo donc à voir ce soir au Taquin à 21h, c'est Caramel Mou et c'est à mieux. Thank you. qu'est-ce que c'est ? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangoo ou pardon ? Toujours Caramel Mou sur Campus FM et je reçois ce soir Fabien Lérisson. Bonsoir Fabien Lérisson. Bonsoir. Vous êtes le nouveau directeur du Métronome depuis janvier 2023 et par là même vous êtes également le nouveau directeur du festival Rio Loco en remplacement de Virginie Chocard partie vers octobre-novembre 2022. Vos précédentes fonctions vous ont amené à diriger une autre SMAC, une autre salle de musique actuelle. C'était Le Plan à Riche-Orangis dans l'Essonne. Et puis on vous doit également la création d'un festival Factory, un festival de musique émergente, électronique, rock, jazz et world qui était également du côté de l'Essonne. Festival dont vous me dites juste à l'instant qu'il a été récemment annulé suite à un arrêt des subventions de la région Île-de-France direction Pécresse. Comme quoi il n'y a pas qu'en Auvergne qu'il y a des subventions qui sont sauvagement arrêtées. Oui, oui, bon, j'étais déjà parti hein, quand ça s'est passé. C'est vrai que ça remonte maintenant à quelques années. Mmh. Hein. Mais voilà, ça a été un choix politique radical. Donc c'était une partie de la culture francilienne qui disparaissait, puisque c'était un festival très original qui alliait à la fois les musiques, toutes les musiques, et dans des lieux du patrimoine. Et vous savez qu'en Île-de-France, il y a une richesse, comme un peu dans toute la France, oui. Une richesse patrimoniale extraordinaire. Et, voilà. Et souvent sous-exploitée. C'est ça. ça permet aussi de rappeler que avant d'être dans la culture, vous avez fait des études aussi d'histoire, ce qui peut expliquer aussi cette envie de mêler vos deux passion, la musique et le patrimoine. C'est ça, l'histoire et la géographie aussi. Finalement, la géographie, ça mène aussi à la musique. À la musique, on appelle ça la world music. Vous êtes là ce soir surtout pour nous parler de Rio Loco, mais juste avant, dans quel état d'esprit vous avez pris la suite de Virginie Chocard au Métronome ? Alors, je suis arrivé en début d'année, très excité. Pour moi, c'était une nouvelle aventure à vivre après avoir passé 10 ans quand même à la tête de cette SMAC, Le Plan. Au bout de 10 ans, c'est vrai qu'on arrive, on a fait un peu beaucoup de choses, mais c'est bien de passer la main aussi. C'est vrai qu'on, lorsqu'on est dans un lieu, on a tendance à s'attacher, à rester accroché à ce lieu parce qu'on le porte, on l'incarne. Et c'est vrai que pour moi, c'était le moment avec ma famille d'aller vivre une nouvelle aventure, puis de se rapprocher de mon sud-ouest que j'adore, que j'aime, plutôt de me rapprocher de du Lot-et-Garonne. Et là, on est à Toulouse. Ah ben oui, à Gênes, c'est à peine à 1 heure de voiture. Voilà, et l'opportunité s'est présentée. Et puis je savais que je connaissais bien évidemment le Métronome, puisque la petite histoire, c'est que cette salle dont on fêtera les 10 ans en février 2024 a été inaugurée la même année que Le Plan. En 2014. Et je connaissais aussi bien évidemment le festival Rio Loco, c'est un festival de notoriété internationale. Donc le challenge de se lancer dans cette nouvelle aventure m'a attiré et voilà. Donc je suis arrivé il y a très peu de temps finalement. Oui, il n'y a pas six mois. Ce qui fait que par exemple l'édition 2023 de Rio Loco, vous n'y êtes pas pour beaucoup dans la programmation, mais vous allez nous en dire 3-4 mots et vous nous direz aussi quelle empreinte vous voulez y laisser, puisque la difficulté peut-être d'arriver dans des institutions comme le Métronome, c'est comment y faire sa place tout en gardant quand même une partie de l'esprit qui a présidé à sa naissance. Voilà, parce que c'est une salle quand même qui a, comme je le disais, qui a 10 ans, ouais. Donc qui a une histoire. Oui, et puis si on y rajoute l'histoire qui a présidé à sa fondation, c'est vrai que ça fait une bonne quinzaine d'années. Oui. Exactement, donc on se laisse porter, on observe, on écoute, et puis petit à petit, on essaye de changer des petites choses. Ces petites choses, c'est ça. Je pense que je le dis aux auditeurs, mais je pense que d'ici peut-être septembre, entre septembre et janvier, ceux qui fréquentent le Métronome verront un peu ce qu'on veut y amener d'ici 1 an, 2 ans. C'est-à-dire que ça devienne un lieu de création avant tout, un lieu de résidence, un lieu de création, et puis que ça soit aussi un lieu de diffusion. Voilà, que l'équipe de programmateurs qui travaille toute l'année à la diffusion, à la, donc la programmation de cette salle, puisse s'épanouir aussi dans les meilleures conditions, parce que c'est un endroit finalement qui est assez exceptionnel. C'est un endroit que louent mais tous les artistes, tous les tourneurs, tous les professionnels et même bon nombre de publics qui viennent le fréquenter. Et donc c'est un lieu, moi, que j'ai découvert, qui me rappelle aussi le plan. Voilà, il y a quelques similitudes dans l'architecture et puis dans la qualité du son. Et ça en fait un lieu vraiment très attractif et très intéressant. Et c'est vrai que dans les salles toulousaines, le Métronome est une salle où le son est souvent excellent. En le disant rapidement, on peut dire que Hervé Bordier a amené le rock et la world music au Métronome, que Virginie Chocard y a amené un peu une ouverture sur les musiciennes et les artistes femmes, avec notamment la création de cette académie, le Women Metronome Academy. Vous voudriez renforcer le côté résidence qui effectivement a peu été encore utilisé par le Métronome. Voilà, c'est la particularité de cette salle, c'est qu'il y a deux salles en fin de compte. Et elles sont sous-exploitées. Voilà, elles sont sous-exploitées. Il y a la Music Box aussi, un petit lieu de 200 places. Et puis la grande salle que vous connaissez, hein, de 600 places. Je crois qu'elle était sous-exploitée. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les musiciens du territoire, les musiciens de Toulouse et de la métropole, qu'ils sachent que c'est un lieu où ils peuvent en tout cas y jouer. Que ce soit des musiciens amateurs aussi, mais aussi émergents. Donc on les accompagnera. On va mettre en place assez rapidement, début janvier 2024, un dispositif d'accompagnement qu'on va appeler, je vous le dis, Métrolab, voilà, en exclusivité, et justement pour accompagner ces musiciens. Et voilà, ce qui est important, c'est qu'on est là pour bien évidemment faire partie des tournées d'artistes nationaux, ça évidemment, au même titre que le bikini, ce que le fait toute l'année. Mais notre point de vue, et ce qui est très important, c'est surtout accompagner la scène émergente, qui est très riche sur Toulouse, et quelles que soient les esthétiques, quelles que soient les musiques. Voilà. La place du Métronome doit être vraiment réservée à l'ensemble des musiciens, quels qu'ils soient, des musiciennes aussi. Et voilà, c'est important de le dire. Et donc ça va être un peu la patte que vous allez apporter au fonctionnement du Métronome dans les mois à venir. Dernière question avant de passer à Rio Loco. On en est où de la forme juridique du Métronome? Ça a été régie directe pendant très longtemps. On a parlé d'une société d'économie mixte. La mairie a pu annoncer partout que le Métronome était en train de se réinventer. On en est où du statut juridique de cette salle? Aujourd'hui, le Métronome, c'est une SPL, une société publique locale. Donc ça reste un service public, mais avec une forme très autonome qui permet d'être très réactif, de gagner en agilité et de pouvoir organiser l'ensemble de nos activités de manière plus confortable. Et donc UDSPL, c'est une société publique locale avec deux actionnaires majoritaires, qui sont la métropole et puis la ville de Toulouse surtout. Et voilà, ils auraient pu choisir d'autres modes de gestion, mais c'est celui-là. Et finalement, à l'usage, depuis 6 mois, c'est un mode de gestion qui est très adapté, en tout cas à nos activités. Quand vous dites deux actionnaires principaux, c'est l'Aglo et Toulouse ou c'est l'Aglo Toulouse et un deuxième? Alors, c'est la ville de Toulouse et l'Aglo. Et l'Aglo. Donc, capitaux, j'allais dire financement public, mais droits privés, c'est ça? Alors voilà, c'est ça. En fin de compte, c'est une comptabilité privée. Avec de l'argent public. Libre à nous aussi, bien évidemment, développer nos ressources propres, ça c'est une chose, avec la billetterie ou avec le bar, mais aussi d'avoir des subventions et des aides de sociétés civiles, comme c'est le cas aujourd'hui avec la SACEM, le CNM. Voilà. Avec une politique tarifaire qui restera à peu près la même? Exactement. C'est vrai que l'enjeu de la politique tarifaire est très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous le verrez à partir de septembre et à partir de janvier, les tarifs resteront très bas, c'est des tarifs qui sont très bas et puis qui sont pratiquement conformes à ce qui se passe dans l'écosystème du département, même de l'Occitanie, pour viser un peu plus large. Par contre, ce qui est intéressant à développer, c'est ce qu'on appelle la fidélisation des publics, c'est-à-dire de mettre en place des propositions tarifaires un peu différentes, comme par exemple une carte d'adhésion qui donnerait la possibilité d'avoir un certain nombre d'avantages. Par exemple, d'assister à des filages publics, d'avoir la possibilité d'avoir en gratuité un ou deux concerts par trimestre. toutes sortes d'avantages qu'on va définir. Et normalement, on devrait lancer cette carte, c'est un exemple, début 2024. Donc, on verra tout ça soit en septembre, soit en janvier prochain. Donc, parlons de cette édition 2023 de Rio Loco. Je le disais en introduction, vous êtes arrivé suffisamment tard cette année pour ne pas avoir participé beaucoup à cette programmation. Mais il s'avère que depuis quelques années, et surtout cette année, la politique de programmation de Rio Loco a quand même été sérieusement chamboulée. Et on est passé d'éditions qui étaient dédiées chaque année à la musique d'un pays, à ce que vous appelez un mix qui balait la création contemporaine de plusieurs pays. Est-ce que ça va être ça le nouveau Rio Loco, un panorama annuel de la création en termes de musique au plan mondial? Alors, au plan mondial, certainement. Après, l'idée, c'est de garder, bien évidemment, les fondamentaux, ce qui a fait l'originalité du festival, c'est-à-dire avec une thématique. Aujourd'hui, face à l'uniformisation, moi, je trouve, des festivals un peu partout en France, c'est vrai que se différencier, notamment par une thématique, ça permet, en tout cas, à ceux qui fréquentent ce festival, de pouvoir s'évader, de se questionner. Comme un miroir par rapport à nos propres envies et d'amener le public dans d'autres contrées, comme un voyage. Donc ça a toujours été un voyage dans des contrées un peu soit bien balisées. Là, pour nous, cette année, c'était une manière un peu d'arriver et puis d'avoir le voyage le plus complet possible au travers un peu de 4-5 continents. On l'a appelé ça comme une épopée. C'est une épopée un peu multiforme. On l'a appelé Monde Mix. Et je pense que les prochaines années, je peux vous le dire, on continuera à voyager différemment et on racontera une histoire. Très bien, donc on attendra ça pour l'édition de 2024. Cette édition 2023, donc Mondo Mix, est consacrée, je le disais, aux musiques populaires contemporaines dans tous les continents. On va ainsi passer de Cuba au Mali, en allant au Brésil, on ira aussi en Iran, en Colombie, au Chili, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. La France sera également représentée, et puis Damon Albarn, à lui seul, un continent. C'est vrai que c'est ce qui fait le plus frétiller le public toulousain qui a l'habitude d'aller voir des concerts, c'est la venue de Damon Albarn à Toulouse pour y fêter Tony Allen, cet immense batteur qu'on a connu dans les formations de Fela dans les années 70, 80, 90 et qui après est venu s'installer à Paris où il a joué avec tous les musiciens de passage. Voilà, c'était de lui rendre hommage. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera le dernier hommage qui sera organisé autour de Fela. En tout cas, pas autour de Fela, mais de Tony. Comme vous le disiez, Tony a marqué l'histoire de l'Afrobeat. On est un peu le précurseur avec Fela. Et Damon Albarn n'avait pas pu participer à un deuxième, notamment à Paris, à la Philharmonie de Paris, cet hommage, deuxième hommage. Et il s'était engagé quand même à venir célébrer, en tout cas, sa disparition. Et donc, il a tenu à venir lorsque on s'est mis d'accord avec le manager de Tony, Eric Trosset, pour pouvoir l'organiser ici à Rio Loco en ouverture du festival et de rendre hommage donc à cette grande figure. Tony et Damon a répondu instantanément. Il m'a dit, mais évidemment, moi, je ne serai pas très loin. Je serai au Portugal ou en Espagne, puisque là, je crois, depuis peut-être aujourd'hui, d'ailleurs, il joue à Primavera, avec Blur. Et puis, c'est la sortie du nouvel album de Blur aujourd'hui également. Et donc, il nous fait l'immense joie. En tout cas, on est très chanceux de l'avoir. Et c'est pas simplement un featuring d'Amon Albarn. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une véritable célébration au sens Yoruba. C'est une célébration où tous les musiciens, il y a un plateau très conséquent puisqu'on va accueillir pratiquement plus d'une vingtaine de musiciens et d'artistes, chanteurs, chanteuses. Il y aura même Oxmo Puccino. Et donc Damon Albarn y participera, mais tout le long, en tout cas, de ces pratiquement 2 heures de concert exceptionnel en hommage à Tony. Et ça sera une grande fête et ça sera une célébration aussi de l'Afrique d'une manière un peu plus large. Oui, puisque Damon Albarn a collaboré aussi quelques temps avec Tony Allen et on a enregistré pas mal de musique ensemble. Donc, à part Damon Albarn, il y a quand même plein de choses intéressantes à voir dans ce Rio Loco. Et puis, je me disais que Par exemple, on avait peu souvent entendu des artistes venant d'Iran. Cette chanteuse iranienne qui vient à Toulouse, elle vient directement d'Iran ou elle est installée en Europe ? Non, elle est installée, je crois, en Israël aujourd'hui. C'est vrai que c'est un pays où la situation des femmes et même des artistes est très compliquée. Hein. C'est vrai qu'on entend beaucoup... Donc quand on est artiste femme, ça l'est encore voilà, plus. Voilà, encore plus. On parle souvent même des cinéastes iraniens emprisonnés. Mais il y a aussi une scène musicale très active avec une diaspora, bien évidemment, notamment qui est du côté des États-Unis à Los Angeles. Il y a toute une grosse diaspora à Los Angeles ou à Londres. Par exemple, je fais allusion à la clavier de Björk, qui est une iranienne exilée donc en Angleterre. Et Liraz, elle a la double particularité d'être à la fois une femme très engagée pour défendre donc les femmes dans son pays, mais aussi c'est une actrice. Voilà, elle mène de front deux carrières. On l'a vu dans un certain nombre de films, notamment aux États-Unis ou dans des séries télévisées. Et elle viendra pour la première fois, sur la scène de Rieux Locaux, et on est très fiers de la voir. Donc je le disais, on va faire un peu le tour du monde de la création musicale de ces dernières années. Bon, une exploration évidemment limitée parce qu'il n'y a quand même qu'une quarantaine de concerts qui sont proposés à Rieux Locaux cette année, 40, enfin 37 ou 38. C'est quand même assez incroyable avec beaucoup de DJ cette année. Oui, depuis 2 ans, depuis l'an dernier avec ce focus Portugal, il y a une nouvelle scène qui s'est montée sur le festival, qui avait été baptisée Onda Mix. On l'a baptisée Onda Mix, voilà. Elle porte ce nom maintenant, et qui est une scène dédiée à... Alors moi, je l'ai appelé l'épopée un peu électro. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande, très grande vitalité artistique du côté de l'Afrique et notamment aussi du côté du Portugal, avec ce lien avec l'Angola. Et il y a deux labels, deux collectifs notamment qu'on a repérés. Le label Principe, qui avait été mis à l'honneur d'ailleurs l'an dernier, et un collectif d'Afrique de l'Est qui s'appelle Niégué Niégué. Voilà, je crois qu'il y a même une édition de son festival qui aura lieu à Paris là, très prochainement. Et on a voulu vraiment mettre en avant toute la vitalité de cette scène africaine électronique avec majoritairement, et ça c'est nouveau, une grande place à des productrices, DJ, femmes. Voilà. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de la place des musiciennes dans cette musique qui se fabrique au Nigeria ou qui se fabrique en Afrique du Sud, on s'aperçoit qu'effectivement il y a de plus en plus de productrices, de musiciennes, de chanteuses qui arrivent avec leur propre projet et qui se font une place au soleil assez, assez importante. Exactement. Nous, c'est une des orientations pour cette édition de festival. Et puis, ce sont des valeurs aussi que nous portons au sein du Métronome. C'est-à-dire que nous défendons la place des femmes sur scène, sur les scènes des musiques actuelles et des musiques au sens plus large, des musiques amplifiées, avec notamment notre festival WMA. Mais sinon, sur la scène de Rieux Locaux, il était important pour nous de les valoriser et donner la place à ces femmes, un peu du monde entier, puisqu'on en aura aussi en provenance de Cuba, du Chili, du Brésil, avec Bia Ferreira, du Chili avec Anna Tijou, ou encore même d'Israël, on parlait de Liraz, mais il y a aussi une grande chanteuse qui s'appelle Noga Erez. Ce sont tous des femmes très engagées, qui défendent la condition féminine, bien évidemment, mais aussi qui sont très engagées aussi politiquement pour un certain nombre d'entre elles. Voilà, c'est important de le souligner. Voilà, donc tout ça à Rieux Locaux du 14 au 19. Avant de vous laisser, Fabien Lérisson, 2 mots sur le groupe qu'on va écouter pour terminer cette interview, BCUC. Sud-africain, c'est un groupe que moi j'ai découvert au Transmusical il y a quelques années, et c'est vrai que ça a été une claque pour tous ceux qui et celles qui ont assisté à ce concert, qui est un concert mythique des Transmusicales. C'est un véritable appel à la trance. Voilà, alors je vous recommande d'écouter les albums, pourquoi pas, mais c'est l'expérience sur scène qu'il faut vivre. C'est très puissant, c'est entraînant et dansant. Et voilà, on n'en sort pas indemne. Voilà, dernier album pour ce groupe BCUC, Million of Us. Dernière chose, un peu moins rigolo pour nous, 15€ la place, à la place des 5 au départ de Rio Loco. C'est une sacrée augmentation. Alors c'est 10€ là. C'est 10€ si on précommande. Voilà. Mais si on précommande pas, c'est 15€ quand on arrive. C'est ça, sur place c'est 15€ et il reste encore des places à 10€. Alors par contre, c'est vrai qu'on m'en parle, mais il n'y a plus de passes, 5 jours, ils sont épuisés. Voilà, ça préoccupe. En tout cas, c'est un bon signal aussi pour cette première édition pour moi, et puis la 28e. Pour la vitalité du festival, c'est peut-être moins rigolo pour le côté fête populaire qu'est depuis le début Rio Loco. Et c'est vrai qu'on a toujours loué ce côté populaire d'un Rio Loco qui permet à des gens qui vont écouter régulièrement de la musique en ville de continuer à en écouter, mais de voir des gens qu'on ne voit jamais dans les concerts arriver avec leurs enfants, les poussettes, histoire de venir se rafraîchir au bord de la Garonne et écouter des choses qu'ils n'écoutent pas ailleurs. Exactement. Moi, c'est un des festivals peut-être le moins cher hein, avec cette programmation et puis ce site qui est la Prairie des Fils qui est exceptionnel au bord de la Garonne. Mais en tout cas, je le précise, mais c'est vraiment gratuit pour les moins de 12 ans. Ça reste quand même très abordable avec 10€. En arrivant, voilà, il n'était pas question d'augmenter le prix des places. Et ben je vous rassure quand même, il en reste. Bon, oui, non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est les 15€ quand on n'a pas précommandé. Parce qu'il y a aussi des gens qui le décident au dernier moment. Mais bon, voilà, Rio Loco, c'est du 14 au 19, avec une programmation très, très alléchante qui va voir dans plein de styles. Il y aura aussi de l'afrobeat avec pas mal de Toulousains qui seront aussi de la fête. Et ça, c'est plutôt bien parce qu'il y a plein de groupes qui vont avoir des conditions de jeu assez exceptionnel et ça changera des bars dans lesquels on les voit d'habitude. Oui, il y aura Altes Ego, c'est vrai qu'il va ouvrir le bal. C'est le premier groupe donc, à être programmé qui ouvrira donc, cette édition. Anciennement connu à Toulouse sous le nom de The Roche. C'est à peu près la même équipe. Voilà, et c'est un signal aussi fort pour tous les musiciennes et les musiciens. C'est que, et ça, on va le développer, je pense, les prochaines années, les prochaines éditions. C'est que, voilà, c'est un festival qui fait rêver et qui fait rêver pour tous les musiciens toulousaines et musiciennes et qui sentent que c'est encore possible et que c'est possible un jour de jouer sur une scène, la scène du Pont-Neuf ou la scène Village. Voilà, et ça c'est important de le dire. Voilà, donc c'est dit, Rio Loco, du 14 au 19 juin prochain, dans 15 jours. Et on écoute tout de suite BCUC qui clôturera la première soirée, celle où Damon Albarn rendra un hommage avec une vingtaine de musiciens à Tony Allen, mort il y a à peu près un an, l'ancien batteur de Fela. Merci Fabien Lérisson d'être passé par ce studio. Je ne peux pas. croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Ces derniers temps, il m'est souvent arrivé, au moment de terminer cette émission hebdomadaire avec les concerts du soir, d'annoncer des groupes de bluegrass aux Ogres ou à la Candela, par exemple, au point de me demander à la quatrième fois si la multiplication de ces concerts de bluegrass était le résultat d'une conjonction millénaire des astres ou la conséquence de l'apparition d'une scène bluegrass en ville. Eh bien, apparemment, la seconde solution est la bonne. Et avec moi ce soir, dans ce studio, 8 musiciens qui essayent de faire vivre ce style de ce côté-ci de la Garonne. Les groupes s'appellent Jurassic Grass, Lessie Grass, Beanie's Breakfast ou Wild Flower Union, et nous allons beaucoup les entendre ce soir. Et on va commencer avec l'américain de l'équipe, Jack Bronecker, qui joue de la guitare, qui est à la tête d'un projet qui s'appelle Wild Flower Union, qui nous jouera un morceau dans quelques minutes. Mais d'abord, Jake, comment en êtes-vous arrivé à venir à Toulouse? Comment j'ai venu à Toulouse? En fait, quelqu'un m'a proposé, j'étais en tournée, quelqu'un m'a dit, si tu vas passer vers le sud, il faut passer à Toulouse, il faut jouer à Saint-Aubin, le marché de Saint-Aubin, parce que je joue beaucoup dans la rue. Donc, depuis Bretagne, j'ai parti de Bretagne pour faire un petit tour, et... Alors là, si voilà. Vous vous foutez de lui, en plus, ça va l'aider à parler. Ça va l'aider. Donc, Bretagne-Toulouse, ouais. Et vous êtes arrivé à Saint-Aubin pour jouer dans la rue. Absolument. Et j'ai trouvé l'énergie, c'était super. C'était une énergie jeune et vif et colorée. En plus, il fait plus chaud, donc oui. Avec plus de soleil. Donc, ça m'a attiré. Donc, oui. J'avais le choix. En Bretagne, sûrement, on le dit bien, il fait soleil au moins une fois par jour, mais il pleut aussi une fois par jour. C'est ça. Vous venez de quelle région aux États-Unis? Du sud d'Indiana, juste à côté de Kentucky. Voilà, et le Kentucky qui est un peu l'endroit où est né le bluegrass. Absolument, absolument. Mais quand j'étais jeune, j'ai détesté. Ah ouais? J'ai détesté. Franchement, oui. Parce que c'était tellement autour de moi. Ah. Mais c'était en partant de chez moi où ça me rappelait de ma jeunesse. Et j'ai rentré de plus en plus là-dedans. Et après, à Toulouse, je rencontre plein de musiciens qui font de bluegrass, qui m'apprennent tous les jours des codes que je ne connaissais même pas. Et qui vous expliquent qu'est-ce que c'est cette musique. Voilà, voilà. Absolument. Ben ouais. Cette musique qui est née plutôt dans les années 40, alors que je croyais que c'était une musique qui avait une tradition populaire depuis l'arrivée des premiers colons aux États-Unis, et que cette musique s'était faite au fur et à mesure. Et puis en préparant cette émission, je me suis aperçu que c'était plutôt une création à partir de différents styles dans les années 40. Mais pour nous les Américains, je pense qu'on a la même impression aussi, que c'est un truc très très très ancien. Ouais. Et c'est en fait récemment que j'ai compris que Bill Monroe, avec un album qu'il a sorti, je connais pas toute l'histoire, mais j'ai récemment compris ça aussi, que le bluegrass précisément, c'est plutôt un groupe de musiciens qui avait un peu initié. Ah ouais, ce style-là, à partir de plusieurs éléments, mais vos compagnons de route vont nous en parler tout à l'heure. Vous venez de citer, par contre, une figure tutélaire de ce style, Bill Monroe, ouais. Donc musicienne des années 30 et 40, qui serait à l'origine, effectivement, de ce style. Vous, votre musique est nettement plus axée sur le folk, c'est ça? Oui, mais en gros, moi, je faisais tout ce que je pouvais pour éviter ce style. Mais un jour, j'ai découvert quelques groupes, des jeunes qui mélangeaient du punk, du rock et de bluegrass, du folk, qui m'a beaucoup attiré. Parce que là, j'ai compris qu'en fait, c'est pas que des fachos et des gens extrême droite qui font ce style de musique. Vous voulez dire que c'est pas que des rednecks? C'est ça. J'étais convaincu que c'était que ça. Mais là, avec quelques groupes... The Avett Brothers et Old Cro-Medicine Show, j'ai vu en live un jour, et après j'avais une copine qui m'a invité à le festival de bluegrass Bill Monroe, qui était à 30 minutes de chez moi, Et ça a ouvert énormément mon esprit sur ce style de musique. Avec un style qui est apparu plutôt à la fin des années 70, on appelait ça le Newgrass, qui était une espèce de mélange de bluegrass avec du jazz. Un des représentants de ce style étant Tony Trischka, le joueur de mandoline, qui par ailleurs avait joué de mandoline, de banjo, qui par ailleurs avait joué au début des années 80 avec un groupe de punk américain qui D'accord. s'appelait Violent Femme. Et dans le premier album de Violent Femme, il y a Tony Trischka qui fricote avec son banjo sur les morceaux de ce groupe-là. Et c'est comme ça que nous, on a été quelques-uns à se dire, tiens, un joueur de banjo dans un groupe de punk, qu'est-ce que c'est ? Et à découvrir un peu ce style. Ouais. On va peut-être vous écouter à la guitare. Donc l'émission, pendant les trois quarts d'heure qui restent, va se passer ainsi. On va écouter les trois groupes qui sont présents dans ce studio. Ils joueront chacun un morceau de leur composition. Et puis le quatrième, vous avez décidé de le jouer tous ensemble, tous les huit ensemble. Et on a essayé de faire des balances tout à l'heure. Et le résultat à ce moment-là était plutôt intéressant. On verra si vous gardez l'essai à la fin de cette émission. En attendant, on écoute tout de suite un morceau de Jack Brunaker. Morceau qui s'appelle, qui parle de quoi ? Ce morceau, il s'appelle Not Alone. C'est un morceau que j'ai composé pour parler de l'impression d'être seul, même quand on est avec quelqu'un, parce qu'on connaît tellement bien qu'on peut sentir tout seul, mais ensemble. Et avec votre groupe, vous jouez régulièrement à Toulouse ? En fait, c'est un projet solo, un projet de musique, dont ma musique est un performance one-man band, donc percu avec mes pieds, guitare, banjo, qui s'appelle Wildflower Union. Et j'ai cru comprendre que vous partiez juste après l'émission jouer quelque part, c'est oui, où ? Oui, je vais juste après au 1480 à Albi. Ah d'accord, très bien, oui, donc on ne viendra pas vous voir ce soir, ça fait un peu loin. Enfin, toujours est-il que Jack Brunaker est tout de suite dans Caramel Mou avec un morceau de sa composition. On vous laisse les micros. Every day I work my fingers to the bone. But I don't stand alone when the day is through. I'll be with you, I'm not alone when I'm with you. And all the love that we would share, whether down the road or somewhere near to home, I feel the love when I'm with you. I'm not alone when I'm with you. I would lay my weary head upon your shoulder and be with you. I'm not alone when I'm with you. I wouldn't mind, I wouldn't be wasting my time. They felt more real than any day before. And every day that will come after, I know that there will be laughter ringing out and out. Thank you. I was dead and in my grave and I was given another day on earth, I would want to spend the day with you. I'm not alone when I'm with you. Légèrement désaccordé, mais c'est du folk. Exactement, Jet Ronaker. Donc notre premier invité sur ce plateau Bluegrass, et on va passer aux suivants qui vont aussi peut-être nous raconter d'où vient ce style avec Jurassic Grass. Donc un trio. D'abord, avant de vous entendre jouer, vous allez là aussi parler un peu. D'abord présenter le groupe. C'est qui le fait? Nous avons Zoé. Alors c'est moi, c'est Zoé. À la guitare et au chant. Après, il y a Mathieu au banjo et au chant aussi, et Damien à la guitare. Donc, musicien qu'on retrouve dans plein d'autres formations, et pas forcément des formations de bluegrass. Qu'est-ce qui peut vous rendre joyeux à jouer cette musique? Que ne fait pas les autres. Je ne saurais pas l'expliquer. Je suis tombé amoureux de cette musique sans grande explication. Je sais pas. C'est devenu ma grande passion. À l'écoute de quoi? C'est des musiques de films. Non, même pas. À la base, c'est notre ami Babou ici présent qu'on écoutera après, qui est venu me retrouver pour me demander de monter un groupe de bluegrass. Et il y a 7 ans à peu près. J'étais même pas au courant de ce que c'était le bluegrass. Il m'a dit ouais, tu vas voir, t'es à la guitare, tu fais de la rythmique, c'est facile, tout va bien. Ben, j'ai commencé à relever des guitares bluegrass, du flat picking, du cross picking et tout ça. Je peux vous dire que c'est pas facile. Donc, c'est pas facile, mais par contre, ça m'a ouvert beaucoup de portes dans les techniques guitaristiques et l'univers bluegrass et folk, j'en suis tombé complètement amoureux alors que j'arrive de la musique plus actuelle, électronique. Du rock, tout ça. Et cette dose de beau, je sais pas comment dire ça, ça m'a fait un bien fou. Et je me suis engouffré là-dedans. Flat picking et picking, ça me fait penser à mes années d'apprentissage de guitare lorsqu'on s'esquintait le bout des doigts avec des onglets à essayer de reprendre les morceaux de la méthode Adadi. C'était l'horreur complète. Le bluegrass qui vient d'où? Comment on pourrait définir un peu ce style et rappeler rapidement son histoire? Eh bien, vite, en fait, le bluegrass, ça vient en partie des immigrés d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, qui sont arrivés, du coup, début 20e, mais avant aussi. Et du coup, c'est une grosse diaspora qui sont arrivés aussi dans les Appalaches, les montagnes des Appalaches. Et du coup, au début 20e, dans les années 20-30, on commençait à avoir des petits duos qui se formaient de violon, guitare, et où en fait les Irlandais, les générations irlandaises chantaient des chansons. Et du coup, il y a la famille Carter qui est un peu connue pour avoir diffusé toute cette tradition. Et en fait, ces chansons, c'était des comptines qui racontaient un peu la vie de tous les jours, des trucs qui se passaient dans leur vie. Et ça, c'est un peu l'origine qui a après mené au bluegrass et à d'autres styles. Qu'est-ce qui fait la différence entre le bluegrass, la country, qu'on connaît nettement plus, et le folk? Et ben, en termes, pour moi, c'est vraiment les instruments qui sont utilisés. Du coup, dans la bluegrass, c'est une partie de la country, parce que country, c'est très large. Et c'est surtout la musique folklorique des gens de la campagne. Mmh. Et du coup, le bluegrass, c'est une branche, on oppose souvent ça à la country, mais c'est une branche de la country dans l'histoire, mais qui est représentée par des instruments, le banjo, le violon, et la guitare, la mandoline, et surtout le chant. Et ça, on va dire que le bluegrass, c'est en fonction de quels instruments sont présents. Et après aussi la virtuosité et les... enfin, y a beaucoup de solos aussi dans le bluegrass. Et y a, c'est une musique qui est plus sophistiquée que la country au départ, qui va être vraiment des petites chansonnettes chantées par le cowboy. Enfin, c'est un peu le cliché, mais c'est quand même des chansons de la vie de tous les jours. Raconter quoi. Une musique qui est une musique, vous le dites, qui raconte des événements de tous les jours. On le joue quand ? On le joue tout le temps ? On le joue pour les fêtes ? On le joue pour les mariages ? C'est de la musique de danse ? Eh bien, ça, le bluegrass, c'est vraiment une musique de concert, en fait. C'est, comme disait Zozo, c'est une musique qui est venue de la musique qu'elle décrivait avant, qui est plutôt le old-time, qui est née dans les Appalaches. Et ça, le old-time, c'était une musique, on va dire, qui a un rôle social qui était important dans des fêtes, dans des réunions entre personnes qui jouaient. Et le bluegrass est vraiment devenu un truc de concert, quelque chose d'assez sérieux, pas académique, mais presque. Où c'était, y a pas, par exemple, il n'y a pas de danse qui vont avec la musique bluegrass. Il n'y a pas d'événements particuliers qui vont avec ça, si ce n'est une partie du répertoire du bluegrass, qui est la musique religieuse, enfin les chants d'église, qui là, ça vient de gospel, de chants qui sont chantés à l'église. Donc ça, c'est peut-être le seul pan du bluegrass qui a un rôle autre que faire un concert de musique. Quoi. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle a été moins diffusée en Europe que la country. Ce côté, justement, un peu sérieux. C'est une bonne question. Ouais, je sais pas. Ouais, moi, je pense que c'est une question commerciale. Devait y avoir des chanteurs country qui étaient beaucoup produits. Et je pense que le bluegrass, ça restait à un moment donné quelque chose de niche. Et après, la musique ça, c'est d'amateur. Alors, pas vraiment. Pour moi, le bluegrass, c'est quand même des musiciens assez virtuoses, à la différence du old time au départ. Ouais, mais ceci dit, tu vois, il y a quand même pas mal d'endroits aux États-Unis, peut-être que toi tu connais mieux, Jake, mais où il y a des concours de banjo, des concours de mandoline. Alors, moi, ce que j'aime bien pour découvrir ce musique, c'est aller regarder sur YouTube, chercher des artistes, des vidéos. Et au fil des pérégrinations YouTube, on tombe tout le temps, et on est plusieurs autour de cette table à avoir eu ce moment-là, on tombe tout le temps sur une vidéo filmée au téléphone avec un son tout pourri d'un mec inconnu qui joue du banjo à 3000 à l'heure sur une scène dans le fin fond de la campagne d'Indiana ou de Caroline. Et c'est ce mec-là, c'est peut-être un gamin de 15 ans qui va jouer du banjo de manière incroyable. Donc il y a un côté quand même un peu amateur. Enfin, je sais pas s'ils sont amateurs, mais en tout cas, c'est pas les grosses stars de cette musique. C'est des gens qu'on connaît pas et ils jouent super bien. Un peu comme cette scène mythique d'un film avec Burt Reynolds, je me souviens plus comment il s'appelle. Je vois. Délivrance. Voilà, Délivrance, où on voit un petit jeune accompagné par un adulte faire un duel de banjo-guitare absolument démoniaque. Mythique. Surtout quand on sait ce qui se passe juste après, ça c'est vraiment démoniaque. Ouais. Jurassic, grâce à un groupe qu'on commence à entendre un peu à Toulouse, moi je pense vous avoir vu il y a 15 jours ou 3 semaines aux Ogresses, quelque chose comme ça. Ça commence à venir, les concerts à Toulouse ? Eh bien, ça va et ça vient. ça dépend des périodes. Là, on a une période où on a eu pas mal de concerts ces derniers mois. Et on va jouer à un festival de bluegrass cet été, à l'Herbe Bleue, qui est dans l'Anjou. C'est pas du tout à Toulouse. C'est loin. Mais ça va venir. Faut démarcher. On reparle de l'émergence de cette scène bluegrass juste après vous avoir écouté. Donc un trio guitare et banjo, les Jurassic Grass, pour un morceau qui parle de quoi ? Alors on a choisi ce morceau parce que c'est un peu les critères du bluegrass, c'est souvent du coup accord simple, c'est toujours les mêmes accords. 1, 4, 5 pour les degrés. Et là, ça parle de... c'est un homme qui raconte l'histoire et qui dit « Je vais revenir m'installer chez mon ex vu qu'en fait j'ai fait un peu le tour de tout et elle va bien m'attendre. Et du coup, c'est aussi ce genre de textes qui sont toujours un peu glissants. Ah, surtout à notre époque. À notre époque. Oui, continuez à le chanter à l'anglais. Mais voilà. Mais du coup, ça reste quand même. C'est des morceaux, en fait. Nous, on prend le parti de quand même les jouer parce que ça parle d'une époque et ça parle aussi d'autres choses. Peut-être. Toi, tu t'en parles comment Moi, au début, quand j'ai compris les paroles de ce truc-là. C'était pas foufou, quoi, le baroudeur qui retourne voir Bobonne à la maison, qui en a marre et qui vient se marier. Mais ça pouvait être aussi, après, par exemple. Après être parti acheter un paquet de clopes et on l'a pas revu pendant longtemps. C'est ce que je me suis dit en premier. Mais après, peut-être qu'il était parti, je sais pas, à la guerre ou des trucs comme ça. Donc ça peut être un autre témoignage. Bon, voilà. Mais là, c'est moi qui fais le mec. Voilà, qui est parti à la guerre. Très bien. Jurassic, grâce. Jurassic, grâce, deuxième groupe invité ce soir dans Caramel Mou pour expliquer et s'expliquer pourquoi d'un coup arrive comme ça 4, 5, 6 groupes de bluegrass à jouer dans les bars, dans les petits endroits à Toulouse en attendant de pouvoir jouer dans des plus grands. Et troisième groupe invité ce soir, les Lazy Grass, avec un contrebassiste artiste, Babou, qui est déjà passé dans cette émission. À ce moment-là, il accompagnait un rappeur. Quand je dis que tous ces musiciens jouent avec plein d'autres formations, avec l'idée, si je me souviens bien. Tout à fait, avec l'idée, avec Damien, notre guitariste de Lazy Grass aussi, qui fait partie à part entière de ce beau projet, qui est l'idée. De ce projet-là. Lazy Grass, si Jurassic Grass que l'on vient d'écouter était plus sur des formes traditionnelles du bluegrass, vous avez décidé aussi de partir sur des formes un peu plus modernes. Tout à fait. Alors, du coup, on modernise le bluegrass pour le coup. En fait, déjà, on s'inspire de ce qui s'est déjà fait en moderne, parce que mine de rien, il y a une vague, comme tu l'as dit, dans les années 80, qu'on a pu appeler le new grass ou le bluegrass progressif, on lui a donné moult termes. Et au final, en fait, c'est du coup une partie de cette musique qui nous a, je dirais, en tout cas collectivement plus parlé. À savoir des artistes comme Billy Strings, qui est un artiste très actuel, qui est de notre génération, les Punch Brothers, ou aussi à l'époque des gars comme Bela Fleck, qui ont pu aller fricoter avec le jazz, le rock, les jam bands, c'est cet univers-là en tout cas. Donc du coup, nous en fait, moi j'ai un peu découvert le bluegrass avec ces artistes-là, et je me suis dit, en fait le bluegrass on a envie d'en faire, on ne sera clairement pas les meilleurs, du coup bon, autant en faire un truc qui nous est propre, qui nous représente à nous et avec les influences qu'on peut avoir tous en commun en tout cas quoi. Ça veut dire du côté de Lazy Grass que vous ne jouez que des compositions originales? En grande majorité des compos du coup avec du chant ou instrumental. Quelques covers qui traînent aussi, soit du traditionnel, soit des reprises plus modernes en tout cas. Mais l'essentiel de Lazy Grass String Band, c'est vraiment de la composition en tout cas, composée par ces cinq membres en tout cas. Comment on tombe sur cette musique-là, pour expliquer comment on tombe dans le rap, c'est pas très compliqué, on en entend partout en ce moment. Le rock, ça peut être la même raison, la chanson, tout ça, le jazz aussi. Le bluegrass, il n'y en a pas à la radio, il n'y en a pas à la télé. Comment on tombe dedans, même si on regarde un moteur de recherche sur Internet, du bluegrass, il n'y en a pas des masses. Depuis que j'ai tapé vos noms sur mon petit ordinateur, on me fait un peu plus de propositions. Vous connaissez le problème de l'algorithme. Mais comment on fait pour tomber sur cette musique-là? Eh bien, bonne question. Ah ben je pose plein de bonnes questions. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de réponses. Si. Je pense qu'il y a quand même pas mal de... Il faut que je me rapproche. Ouais. Je pense qu'il y a, pas mal de références à la culture populaire dans certains films, par exemple, genre au Brother. Moi, je sais que je suis tombé jeune dessus et que... Depuis, ça me titillait, je me disais, mais c'est quoi cette musique qui joue dans ce film-là? Au Brother, ce film des frères Coen, tout à fait, ouais. Avec Georges Clooney. Georges Clooney. Et les autres. Avec What Else. Voilà, exactement. Je pense que c'est un peu infusé inconsciemment dans plein de choses, et qu'on l'entend, et qu'on y va progressivement. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Et je pense que dans la culture pop, il y en a plus que ce qu'on pense. Tout le monde connaît Deliverance, par exemple. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui est... Et c'est vrai que la scène dont on parlait il y a deux minutes, c'est vraiment une scène mythique du cinéma américain. Ouais. Voilà, et donc je pense que c'est par ces portes-là qu'on est progressivement tous rentrés là-dedans. Cette scène toulousaine se compose de combien de groupes à peu près en ce moment? On en a trois autour de la table, il y a un quatrième qui fait partie de vos amis proches qui n'est pas là ce soir. Il y en a d'autres? Comme tu l'as dit, il y a les Beavers qui sont en concert ce soir, avec qui Zozo et Mathieu, que vous avez pu entendre dans Jurassic Grass, jouent aussi dans un projet qui s'appelle Business Breakfast, comme tu l'as stipulé tout à l'heure. Et grossièrement, j'ai envie de dire qu'on n'est pas beaucoup plus. Il y a Andreas. Oui, il y a aussi Andreas Kiriakou, qui est un Américain aussi, qui est venu s'installer à Toulouse il y a une vingtaine d'années, je crois, qui a un solo également. Et après, c'est vrai qu'il y a une grosse scène folk à Toulouse, qui donc ça se mélange, hein, c'est assez homogène. Dans le micro, ouais. Jake. Et moi, je viens de démarrer un nouveau groupe avec trois autres musiciens qui s'appelle Sweet Potato Vine. Ah oui. On va faire nos premiers concerts à la fin de l'été. J'espère que la musique est meilleure que l'idée que je peux me faire de cette recette de cuisine. Des patates au vin, à moins que ce soit du vin blanc. Des patates douces. Des patates douces avec du vin comme ça, ça me... Mais bon, je veux bien écouter la musique. deux, trois choses à rajouter sur cette scène. Il y a des lieux qui... Bon, je parlais des ogresses qui ont pu vous faire jouer. La Candela est aussi ouverte à ce style de musique et à ce style de proposition. Il y a d'autres scènes sur Toulouse qui s'ouvrent un peu au bluegrass ou pas encore? L'autruche, vas-y. Nous, on a beaucoup joué à l'autruche. Ils nous ont accueillis pendant quelques années pour faire une jam mensuelle bluegrass qui s'est arrêtée maintenant. Il y a aussi des collectifs. Il y a la Toulouse Folk Society, dans laquelle Jake est un membre actif et dans laquelle on est également, mais qui organise donc une scène folk et qui s'ouvre au bluegrass également. Il y a quoi d'autre? Il y a un lieu fédérateur sur le net pour venir choper des infos ou faut aller piocher comme on peut? Pas trop encore. Il faudrait qu'on y pense. Il y a une conversation Bluegrass Dream Team Toulouse. Voilà, si vous voulez être dans cette conversation qui a 90% de messages assez inutiles et polluants et de blagues et de blagues bluegrass. Dans ce cas-là, le mot important dans bluegrass, c'est grâce. Peut-être un portail, oui, qui ouvrirait un peu sur cette scène émergente, parce que on le disait tout à l'heure hors micro, des concerts de bluegrass à Toulouse dans des grandes salles. Je crois qu'avec ce festival de bluegrass qui avait lieu à mai jusque dans les années 84-85 à Toulouse, depuis, il n'y a plus, quoi. Pour ma part, un des derniers gros concerts de bluegrass à Toulouse, c'est en 84 ou 85, Tony Trichka, qui était passé avec sa formation de Newgrass. En première partie, c'était un groupe de Clermont-Ferrand qui était là, les spasmodiques bluegrass, quelque chose comme ça, pour dire qu'il y avait peu de groupes de bluegrass déjà à Toulouse. Et c'est vrai que ça serait peut-être intéressant de voir cette scène émerger. Les Igras, avant de vous laisser les instruments, vous présentez, on ne l'a pas fait en début de... Se présenter, tu veux dire nous Alors, moi, c'est Baptiste Jean-Claude Desmit. Voilà, Dibabou. Dibabou. À la contrebasse. Et je laisse la parole à mon cher ami Victor pour se présenter. Oui, moi, je suis Victor Georges Nathan, VGN, comme on appelle. Je joue du dobro lapsteel dans Lazy Grass. Voilà, alors dobro, avant de continuer la présentation, deux mots sur cet instrument un peu particulier, une guitare avec une grosse partie métallique. Absolument, alors parlons-en, parce que c'est un sujet de société méconnu. Le dobro lapsteel, d'ailleurs, qui est un instrument qui n'a, je conviens, c'est un moment plein de stress et de tension palpable, mais qui n'a pas été présenté par mon amie Zoé tout à l'heure quand elle a énoncé les instruments du bluegrass. Donc je tiens à redresser ce tort trop souvent fait au bluegrass, donc la contrebasse qui est l'élément sans lequel, en fait, cette musique n'existerait pas, parce que c'est une musique qui est en fait une musique d'instrument à cordes, qui peut vite se transformer en espèce de gros gloubi-boulga infâme sans le socle qui permet de les tenir tous ensemble. Donc ça, c'est la contrebasse. Voilà, c'est la contrebasse. Le dobro lapsteel qui est un peu, en fait, dans l'imaginaire, en tout cas, de la place des instruments du bluegrass, c'est un peu un instrument lié au violon. C'est-à-dire que ça fait partie des instruments qui slide, en fait, par-dessus toute la base qui est créée par le reste des instruments. Et donc, c'est un instrument qui a des cordes un peu surélevées par rapport aux manches, qui se joue avec une barre en métal dans la main gauche et des onglets dans la main droite. Un mélange, en fait, entre la technique de banjo et des techniques héritées du blues. Et pour l'amplification, la partie métallique est importante. En fait, la partie métallique, elle existait avant l'amplification. Tout est là. Voilà. C'était supposé amplifier le son de manière naturelle grâce à un cône en métal qui était glissé dans l'instrument. C'est ce qui a donné ce son caractéristique. Et du fait que ce soit un instrument lapsteel, donc c'est-à-dire qui se pose sur les genoux, c'est assez important de pouvoir diffuser le son dans toutes les directions, parce que la personne qui l'entend le plus, c'est bien sûr moi-même, puisqu'il est sur mes genoux et que le son m'arrive dans la figure en plein. Donc il faut bien penser le bluegrass comme une conjonction d'instruments avec leurs particularités propres à chacune et chacun, qui qui doivent trouver une manière de s'accorder tous ensemble. C'est ça qui est intéressant dans le style. C'est comme les individus, en fait. Voilà, leçon de choses, explication du dobro. Merci, merci beaucoup. Les derniers musiciens de Lazy Grass. Lazy. Vous me connaissez déjà, donc Damien à la guitare. Qu'on a déjà entendu tout à l'heure avec Jurassic Grass et qui faisait partie donc, de la formation qui accompagnait et qui accompagne l'idée en ce moment. Si, si. Et donc moi c'est Laura à la mandoline et au chant. Laura, petit Félix. Tout à fait. Voilà, qui a eu la charge de monter ce plateau. Et rien que pour ça, merci beaucoup d'avoir amené tous vos camarades et donc joueuses de mandoline. Et on va entendre cet instrument tout de suite dans Lazy Grass, troisième. Et il reste, oui, le banjo. Le banjo, donc moi c'est Vincent Christophe Ludovic en VCL du coup. Et je fais du banjo. Ouais. Bon, voilà. Vous savez ce que c'est à peu près le banjo. Bon ouais, le banjo par contre, à la différence peut-être du dobro, un instrument qu'on a vu beaucoup, y compris dans le dans les débuts du jazz. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est. C'est pas le même. Ah, c'est pas le même que dans le jazz, ouais. Nous on joue un banjo qui est quand même assez particulier. Dans le jazz, par exemple, dans le New Orleans, c'est des banjos 4 cordes. Mm-hmm. Et nous, on va jouer un banjo 5 cordes. Avec une chanterelle, donc ça s'appelle, c'est la petite corde qu'il y a sur le sur le haut du manche. Ouais. Et du coup, c'est une corde qui est plus aiguë que toutes les autres, donc c'est un peu particulier à jouer. Et son rôle au banjo, ça va être plus du bourdon, comme je pense. C'est un peu ça, quoi. Comme dans une vielle à roue. C'est exactement. C'est une vielle à roue. Voilà. C'est la vielle à roue du bluegrass. Lazy Grass, morceau. Alors, quand même dans le bluegrass, il y a une grande partie de cette musique qui est instrumentale et la tradition des musiques américaines est souvent qu'il faut parler du morceau qui va être joué avant de le jouer. Jake, arrête-moi si je me trompe. Ce morceau, on l'a composé lors d'une résidence à Valmagna, donc dans les Pyrénées, dans les montagnes. Et c'est un morceau qui a émergé lorsque, dans une folle soirée, Damien, donc notre guitariste, dans un moment de folie intense, a essayé de jouer au football avec une bûche en bois. Ça n'a pas du tout marché, il a failli mourir. Et de sa survie, nous avons tiré un morceau donc, qui s'appelle La Bûche, qui est un morceau instrumental, qui raconte cette histoire. Merci. Voilà, si vous êtes accro à cette musique, rassurez-vous, il va y avoir un dernier morceau pour finir cette émission consacrée donc à cette scène bluegrass qui commence à se montrer à Toulouse. Simplement rappeler qu'on vient d'écouter un premier artiste, Jake Bronaker, en solo suivi de Jurassic Grass. On vient là juste d'entendre Lazy Grass. Juste avant de nous jouer un morceau tous ensemble, dont les 8 musiciens qui sont actuellement dans ce studio vont reprendre leurs instruments pour jouer un morceau ensemble, peut-être donner des dates de concert si vous en avez dans les jours qui viennent et pas très loin d'ici. Annoncez pas un festival du côté du Nord-Bretagne, c'est peut-être pas le moment, mais par contre des concerts. Alors avec Business Breakfast, du coup avec les Beavers qui sont pas là ce soir, mais c'est Mathieu et moi, on est 5 et on joue le 10 juin en Ariège, à Dun, pour le festival Zarandouk. Et sinon on jouera aussi le 7 juillet, aussi en Ariège, au marché du Bosque. Très bien, d'autres propositions de concerts ? Et Lazy Grass, on va jouer 2 fois à Villemur-sur-Tarn, le 9 juin pour la brasserie La Cavaille et le 20 juillet pour un événement de la ville. Pour les jeudis de Villemur. Ah, très bien. Et d'autres concerts, non ? Et non. Eh ben, et Jake, je sais pas ? Ah oui, je fais le 14 de juin à un restaurant qui s'appelle Amafolia. Et c'est Amafolia. Où ça ? C'est à Balma. Ah, bah, oui, d'accord. Ouais, c'est juste à côté, ouais. Parfait. Donc la série des réclames est terminée. Oui. Non. Pour présenter le. Voilà. Et Laura, allez-y, présentez donc ce dernier morceau joué, je le rappelle, par les 8 musiciens qui sont présents dans ce studio. Et du coup, je laisserai Jake le présenter, mais c'est juste pour dire que c'est un morceau qui est sorti aujourd'hui en vidéo live session qu'on a tourné donc avec Lazy Grass et avec Jake. C'est Jake qui nous l'a fait découvrir. Donc vous pouvez le retrouver sur YouTube dès aujourd'hui. Ouais, et donc ce chanson qui était composée par Joe Hill, c'est une chanson de manifestation qui composait, en fait il avait Salvation Army pendant le Great Depression aux États-Unis. Il avait Salvation Army qui allait dans la rue pour chanter des chansons chrétiennes, pour amener des gens à l'église, et il avait un groupe de gens un peu radical qui allait dans la rue pour chanter par-dessus des chrétiens leurs propres paroles, qui est ce chanson qui dénonçait un peu cette tendance de dans les moments de crise d'amener des gens à l'église, et plus c'est mieux de un peu donner un peu de pain plutôt. Donc voilà, ce chanson qui s'appelle The Preacher and the Slave. Petite information, nous allons faire des solos en cercle. Ah ouais, chacun autour. Oui, non. C'était pour éviter le double. Ouais. Ah non, mais il y avait 1, 2, 3, 4. Il y a un couplet entre les deux. Ah ouais. 1, 2, 3. Ouais, c'est parti. On n'est pas aux répétitions ici. 1, 2. You will leave. You will leave. By and by. By and by. In that glorious land in the sky. Way up high. Work and pray. Work and pray. And live on hay. Live on hay. You'll eat pie in the sky when you die. That's a lie. Long haired rangers go out every night. So sweet. And you will leave by and by. In that glorious land up in the sky. Way up high. Work and pray. Live on hay. You'll eat pie in the sky when you die. That's a lie. Thank you. Jesus, they say, you will eat on that glorious day. Do you good, and you will eat in that sweet by and by. Now that's no lie. You will eat by and by in that glorious land up in the sky. Work and pray, live on hay. You'll eat by in the sky when you die. That's a lie. Voilà, dernier morceau de ce plateau Bluegrass d'un Caramel Mou ce soir, avec cette chanson qui permettait aux gens qui étaient victimes de la récession des années 29, 30, 31, 32 aux États-Unis de protester contre la présence de l'armée du salut dans les rues des villes américaines, venant chercher un peu d'argent, faisant la charité et ramenant tout le monde à l'église. Comme quoi la musique a toujours été quand même une expression politique de ce qu'il se passait dans la vie à ce moment-là. Voilà, c'est là-dessus que quasiment Caramel Mou se termine ce soir. On va parler juste un peu des concerts, un jingle, le temps de souffler, et on se retrouve juste après pour finir l'émission. Dites-moi, vous avez une technique remarquable. Oh, je pourrais faire mieux, mais ça dépend des troncs. Voyez-vous celui-ci, son orifice est simple et large. Oui. Malheureusement, ils ne sont pas tous aussi faciles. Ah, hélas, j'utilise la suceuse à sous dans les meilleurs des cas. Mmh. Ou sinon, vous travaillez comment? Au Caramel Mou. Oui, ici on travaille toujours au Caramel Mou. Allez, on finit avec la rubrique concert ce soir, rubrique concoctée avec l'aide du Distorama, l'agenda culturel des bas-fonds toulousains que l'on peut retrouver en version papier un peu partout en ville, surtout dans les petits bars et puis également sur le net. Ce soir, les concerts, ça commence bête à la Maison Malapert, une guinguette éphémère qui a réouvert mercredi dernier. L'été approche et donc la Maison Malapert réouvre pour toute la saison. D'habitude, il ferme vers fin septembre. Et donc, ce soir, concert à la Maison Malapert, 116 bis, route de la Bège, avec une carte blanche qui est laissée au collectif de musiciens Freddy Moraison, avec ce soir deux groupes qui sont issus de ce collectif toulousain. C'est également deux trios. On y retrouvera celui de la chanteuse éthiopienne Etenesh Wassier, avec Mathieu Sourisseau à la basse acoustique et Sébastien Bakias à la contrebasse. Et ce concert sera suivi de celui de No Noise, No Education, un trio de sax avec Marc Desmereaux, Marc Mafiolo et Florian Nastorg. Tout ça à partir de 20h30 à la mécanique des fluides du rock noise ce soir, avec Wideke à partir de 21h. Aux Ogresses, avenue de Muret, Rolando Roland et Canario, de la musique d'Argentine et du Brésil à partir de 20h30. Au Taquin, à 21h, congé spatial. Et en première partie, vous aurez droit à un solo de sax machine du saxophoniste Pierre Laprang. Congé spatial qui fête là la sortie du premier album de ce duo. Aux Connexions Live, à 20h30, ça va jouer plutôt fort, avec sur scène Off, un groupe américain de punk hardcore. Et en première partie de ce concert, les Toulousaines de Marty Went Back. À la Candela ce soir à 20h30, le trio du guitariste chilien José Tomás Galvez, de la musique traditionnelle mélangée à du jazz. Au Bijou ce soir, pas de concert, mais une soirée blind test à partir de 20h30. À la CAF Poésie, c'est vers le flamenco que la CAF Po se tourne ce soir, avec à 19h, ça a déjà commencé, le guitariste Maël Goldweiser, accompagné par le percussionniste Fred Cavalin, suivi à 21h d'un concert du trio du guitariste Frédéric Todedalo. Chanson à l'OTAN, tiens, une chanson à l'OTAN, c'est pas si souvent, d'habitude c'est du punk qu'on joue là-bas. Eh bien, ce soir à l'OTAN, c'est de la chanson avec Thierry Thibaut Coste, chanson acoustique et intimiste, guitare-voix, à 20h30. Et puis demain soir à 18h au Beers House, DJ set avec Little by Little, le même DJ qui d'ordinaire prend la suite de Caramel Mou pour son incredible et génial Little by Little Wicked Show. Ce soir il ne sera pas là, mais par contre vous le retrouvez donc demain soir à partir de 18h au Beers House. Et puis depuis cet après-midi, vous vous en êtes rendu compte si vous êtes resté sur les ondes de Radio Campus depuis 14h, depuis cet après-midi et cela jusqu'à dimanche soir, Campus FM organise au Centre Culturel Bellegarde la deuxième édition de son festival Radiophonie, dédié à l'expression radiophonique sous toutes ses formes, la création, l'écoute, mais également des documentaires sonores, des conférences. Tout le programme sur www.campusfm.net. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. La réforme, oui, la chienlit, non. Parce que c'est notre projet. La question est la suivante, comment vous portez-vous? Personne n'a craqué. Et là, je vous demande de vous arrêter. Et voilà, Caramel Mou, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc pas de John Little ce soir. Les platines sont en ce moment au Centre culturel Bellegarde pour le festival Radiophonie. Et il aura du mal à mixer s'il n'a pas ses platines. Mais vous le retrouvez donc demain soir à 18h au Beers House pour un DJ set sans doute d'enfer. Demain soir sur ces ondes campusiennes, n'oubliez pas le prochain concert à la radio à 22h. Et c'est le Flegmatique au piano qui assurera ce concert. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse, avec le duo Lame Slam et le groupe Tiwiza. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les filles. Caramel.